L'ennemi invisible. Aoun, Zour et les Lémuriens passèrent une grande partie du jour à fortifier la caverne, de manière à la rendre imprenable. Ces précautions suffisantes contre les carnivores, qui finiraient toujours par s'éloigner, étaient insuffisantes contre des hommes. Loulam et Loa savaient bien que les nains rouges et l'exam étaient capables de cerner leurs ennemis pendant des semaines entières. S'enfermer dans la caverne, devant un ennemi nombreux, c'était se condamner à mort. Mais contre une dizaine d'adversaires, et les hommes aperçus pendant la nuit n'étaient que 7, la caverne pouvait servir de piège. Dans l'après-midi, on abattit plusieurs antilopes, dont la chair devait être séchée au soleil et au feu. Les Lémuriens accumulèrent des provisions végétales. En même temps, tous guettaient. Ils guettaient, naturellement, comme les daules et les chacals. Le terroir était difficile à envahir, au sud la rivière et les rocs, à l'orient une longue lande, à l'occident une terre marécageuse. Il n'y avait qu'une voie franchement accessible, la forêt, qui s'étendait à l'arrière, mais en laissant entre elle et la caverne une surface commode à surveiller. En somme, aucune attaque à couvert n'était possible. Pour parvenir jusqu'au gîte, il fallait que les hommes du feu parcourussent de 500 à 900 pas sous la menace des propulseurs, des sagaies et des harpons. Jusqu'au soir, aucune émanation suspecte ne fit pressentir une approche ennemie. Au crépuscule, les Lémuriens s'éparpillèrent dans un rayon de 3000 coudées. Aoun monta sur les plus hauts rocs sans rien découvrir. Si l'ennemi était venu, il se tenait à grande distance. Loulam commençait à se rassurer. Il dit à Zour, « Les hommes du feu n'étaient que 7, ils se sont éloignés. » Il voulait dire que la présence d'un grand feu avait dû leur faire soupçonner un groupe assez nombreux pour se défendre. Zour gardait son inquiétude. Plus prévoyant que les Oulamres, et peut-être que tous les autres hommes, il gardait une éternelle méfiance à cause de l'anéantissement de sa race par les nains rouges. Il répondit « S'ils ne sont pas venus, ils sont allés chercher des guerriers dans leur horde. »« Leur horde est loin, » affirma insoucieusement l'Oulamre. « Pourquoi reviendraient-ils ? » « Parce que les hommes de la forêt n'allument pas le feu. Ils voudront savoir quels hommes nouveaux sont dans la forêt. » La réponse préoccupa Aoun. Ayant disposé les guetteurs de manière à éviter toute surprise, il se rassura. Comme d'habitude, il prit la première veille. Le croissant, plus large et plus lumineux, ne devait se coucher que vers le milieu de la nuit. Cette circonstance favorable à Aoun importait peu aux Lémuriens nyctalopes. Les ténèbres leur donnaient plutôt l'avantage. Dans la grande nuit, à peine si l'on percevait la voix de quelques fauves en chasse. Assis auprès du feu, Aoun vivait sans pensée et sans rêve. Ses sens se veillaient. Les trois guetteurs lémuriens étaient plus engourdis encore. Mais la moindre émanation suspecte les eût dressés en sursaut. Leur ouïe et leur odorat, aussi infaillibles que ceux des daules, étaient tendus comme des réseaux subtils sur l'ambiance. Le croissant arrivait aux deux tiers de sa course, lorsque Aoun leva la tête. Il vit le feu réduit en braise écarlate et machinalement y jeta une brassée de bois. Puis, flairant l'espace avec incertitude, il regarda les veilleurs. Deux s'étaient redressés, imités bientôt par le troisième. De faibles effluves arrivaient de la sylve. Cela ressemblait si fort aux effluves des Lémuriens qu'Aoun crut à la présence de rôdeurs de cette race. Il marcha vers Ra. Ra, l'oreille tendue, les narines larges ouvertes, avait un grelottement des épaules. Quand Aoun fut proche, il tendit la main vers la forêt. Il balbutia des syllabes incompréhensibles. Aoun comprit, les hommes chéliens étaient venus. Caché dans les futaies profondes, il voyait le feu, il voyait l'Oulamre, tandis qu'il demeurait invisible. Pourtant, aucune surprise immédiate ne paraissait possible. Tout autour de la caverne, la terre était plantée d'herbes, dont à peine quelques arbres isolés. Quelques faibles îlots de broussailles rompaient la monotonie. Sous la lueur cendreuse de la lune, l'œil aigu d'Aoun percevait les détails du site. Sa poitrine se gonflait d'audace. Il eut peine à retenir le cri de guerre qui lui montait de la gorge. La haine bouillonnait en lui parce que les hommes du feu avaient passé la rivière, contourné la lande pour attaquer le campement. Ils montraient ainsi leur acharnement, leur courage et leur hostilité. Avant d'éveiller Zour, il rôda dans l'air qui enveloppait la caverne, cherchant à mieux situer les émanations et à dénombrer les ennemis. Il tenait à la main son propulseur. De sa guet, un harpon était suspendu à ses épaules. Il désirait attirer les Chéliens hors de la forêt. Comme il ne savait que lancer des pierres à l'aide de leurs mains, il en blesserait ou en tuerait plusieurs avant qu'ils fussent assez proches pour le blesser lui-même. Cependant, les Lémuriens sortaient un à un de la caverne, avertis d'une présence insolite. Zour les accompagnait. Grâce à Wao, il connut tout de suite le danger. Le grand Toulambre épiait alternativement ses alliés et la masse frémissante des ramures. Ceux qui se dissimulaient là-bas ne devaient pas dépasser le nombre de 7. Or, il y avait 8 Lémuriens mâles, 4 femmes, qui valaient presque les hommes, plus Aoun et Zour. Si les Lémuriens montraient du courage, les chances étaient pour les alliés. Mais visiblement, la plupart étaient terrifiés et ne tiendraient pas devant une attaque vigoureuse. Seul le trapu rat, Wao et un adolescent aux yeux vifs montraient du courage. « Y a-t-il autant de guerriers qu'hier autour du feu ?» demanda Zour. « Il n'y en a pas plus, » répondit Aoun. « Faut-il pousser le cri de guerre ?» Zour préférait l'alliance à la bataille. Il finit par dire « La forêt est grande. Il y a des proies pour tous les hommes. Zour peut-il parler aux hommes du feu ?» Malgré son irritation, Aoun accepta. Eloa éleva la voix, sur un ton de mélopée qui la rendait plus douce. « Le fils de l'Urus et le fils de la terre n'ont jamais combattu les hommes du feu. Ils ne sont pas leurs ennemis. » La forêt demeurait silencieuse. Aoun clama à son tour. « Aoun a tué la bête rouge. Aoun et Zour ont tué le tigre. Ils ont des massues, ils ont des harpons et des sagaies. Si les hommes du feu veulent la guerre, aucun ne rejoindra sa horde. » On n'entendit que le frôlement léger de la brise. Aoun fit 100 pas vers la cile et sa voix s'éleva plus retentissante. « Les hommes du feu ne veulent-ils pas répondre ?» Maintenant qu'il était plus proche, il percevait mieux les effluves. Et sachant qu'on le guettait, il fut saisi d'une fureur grandissante. Frappant du poing contre sa poitrine, son cri s'éleva comme le hurlement des loups. « Aoun ouvrira vos poitrines, il donnera vos chairs aux hyènes. » Un grondement se répercuta sous les arches sombres. Loulambre fit 100 pas encore. Il n'était plus qu'à 3 coudées de la lisière. Il cria à Zour de ne pas le suivre et menaça. « Le fils de l'Urus écrasera vos faces !» Il espérait que les autres, le voyant isolé, prendraient l'offensive. Les émanations parurent un moment plus proches, puis elles s'éloignèrent. Aoun, ayant avancé encore de 150 coudées, dressa sa grande stature. Avec le propulseur, il aurait pu maintenant lancer une sagaie jusqu'à la lisière. Un cri d'alarme s'éleva. À gauche d'un buisson avancé, 3 hommes venaient de surgir. Ils prirent le galop transversalement dans le but de couper la retraite à Aoun. Le nomade avait vu. Avec un rire de défi, il se retira sans hâte, ayant glissé une sagaie dans le propulseur. Au même instant, 3 autres hommes surgirent à droite. L'épouvante rapetissa le cœur des Lémuriens. La moitié de la troupe s'éparpilla. Mera, Wao, l'adolescent, le trapu et un vieillard tinrent ferme. Même Wao s'élança pour appeler une femme qui se sauvait vers la sylve. Les 6 Chéléens cherchèrent à se rejoindre pour couper la retraite à Loulambre. Le propulseur tournoya, la sagaie se planta dans l'épaule d'un des agresseurs. Zour dessina une attaque avec Ra. Surpris de la distance à laquelle Loulambre avait frappé, étonné de voir le Wa mener les Lémuriens, et craignant une surprise, les hommes du feu se retirèrent. Ceux de droite avaient capturé Wao.